suis allé aujourd'hui en ville cet après-midi à la banque de Thionville retirer mes économies. Je vais déménager, chérie, dans une autre vie. €290 de caution et puis aussi le premier mois de loyer qu'il faut tout de suite donner. Je vais déménager, chérie, dans une autre vie. Je passe de aisé à fauché. Je n'ai plus un rond pour manger. Je n'ai plus que mes yeux pour pleurer. Ne me reste plus qu'à travailler. Je vais déménager, chérie, dans une autre vie. Depuis 20 ans que je suis protégé, à l'abri de la pauvreté. Oui, mais mon petit frère me fait chier. Et mon père ne fait que me répéter qu'à mon âge, je dois me casser. Et toi, chérie, qui veux casser? Je n'ai plus aucune raison de rester. Je vais déménager, chérie, dans une autre vie. Je ne prendrai que ma télé et mon lecteur DVD et mon seul ami, mon synthé. Je peux me confier. Et une fois terminé, mes confidences sont enregistrées sur internet et sur CD. Moi, je pourrais enfin crever. Déménager, chérie, rendez-vous au paradis.